Les chasseurs de nazis. Chapitre 1, naissance d'une vocation. Cinquième épisode. Dernière étape de notre périple dans l'histoire de l'après-guerre, Lüwitzburg, une ville de la banlieue de Stuttgart, plus souvent décrite dans les guides pour son architecture baroque que pour son ancienne prison pour femmes. Une prison qui abrite depuis 1958 l'Office central d'enquête sur les crimes nazis. Son directeur depuis 3 ans est un jovial procureur de 45 ans, Jens Rommel. Il a appris le français pendant ses études et il met un point d'honneur à répondre à toutes les questions dans la langue de Voltaire. Danke schön. Face à nous, Jens Rommel, qu'est-ce qu'on a ? C'est un plan de la ville Ludwigsburg des années 30. Ici, sur le mur, et vous voyez, par exemple, une rue Adolf-Hitler-Straße ou Hermann-Göring-Straße, qui ne sont pas très loin de notre institution aujourd'hui. C'est juste une rue parallèle de la nôtre. Après-guerre, toutes les rues et places et avenues et boulevards Hitler ont trouvé un autre nom, souvent le nom qu'ils avaient avant. C'est-à-dire, c'est Friedrichstraße aujourd'hui, et qui était le premier président dans la démocratie après la Première Guerre mondiale. Le père de mon père, aussi bien que le père de ma mère, habitait ici à Ludwigsburg, et mes parents se sont rencontrés ici à l'école. C'est-à-dire une sorte de rentrée chez moi, dans la famille. Ici à Ludwigsburg. Les parents, concernant ma personne et ma sœur, sont fiers de notre profession, ce qu'on fait. Ma sœur est dans la police ici aussi. Votre sœur est dans la police. Vous traquez les anciens nazis. Est-ce que dans la famille, on pourchasse les méchants? On n'a pas d'histoire dans ce sens. Mon père, il était ingénieur. Et ma mère, elle s'occupait des langues, de l'anglais et de le français. Alors, c'est une autre histoire. Au fond, c'est quoi votre motivation personnelle? Ici, je suis très intéressé de comprendre comment on peut traiter des crimes de guerre, de crimes de génocide, crimes contre l'humanité, avec les moyens d'un procureur ou d'un état de droit. Ce sont des moyens limités pour comprendre quelque chose qui est presque incompréhensible. Je suis très intéressé d'établir les faits et d'établir la responsabilité d'un individu dans un système criminel. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration d'être procureur, mais d'avoir, on pourrait dire, un champ limité dans votre action, puisque vous montez un dossier, vous réunissez des pièces, mais après, ce n'est pas vous qui amenez la personne, on va dire, dans le box? Oui, c'est la construction qu'on a trouvée il y a 60 ans. C'est certainement pas la voie la plus efficace imaginable, mais c'était une décision politique à l'époque. On voulait une solution pour quelques années. On pensait que c'est une bonne idée d'avoir une institution qui mène ces investigations préalables. Et on doit accepter le résultat. Mais ça peut être frustrant, c'est vrai. Donc on monte. Donc je vais vous montrer un dossier, c'est cela, c'est-à-dire un classeur avec le papier. Et vous voyez qu'on a ici beaucoup de dossiers. C'est un peu comme Kafka a décrit dans le procès. Et là-dedans, vous trouvez toute recherche commise par l'Office central, soit l'original, quand nous avons terminé la procédure, soit une copie qu'on nous avait transmis l'original au parquet. C'est-à-dire ici, c'était une copie. Dans ce cas-là, un parquet en Allemagne avait compris la procédure. Est-ce que vous avez une idée, depuis 1958, combien de dossiers ont été traités ici ? Ce sont 7600 dossiers, mais derrière ces dossiers, ce sont des dossiers de groupe. On a beaucoup plus de personnes responsables et beaucoup plus de crimes. Mais vous nous avez dit que vous cherchiez des preuves, des listes. Est-ce que vous n'avez pas été frappé aussi que dans cette machine que vous avez décrite, machine à exterminer, à faire disparaître des millions de gens, ces criminels nazis notaient tout et tenaient des registres fidèles de tout. À Berlin, tous les ennemis du Troisième Reich, réels ou supposés, étaient répertoriés dans le fichier A, installé au siège de la Gestapo, dans Prinz Albrechtstrasse. Extrait du roman de l'écrivain écossais récemment disparu, Philippe Kerr, Une douce flamme. Ce fichier était le système d'archivage judiciaire le plus moderne du monde. Il comprenait 500 000 de cartes sur des individus que la Gestapo considérait comme méritant d'être tenus à l'œil. Il s'agissait d'une sorte de grande roue, actionnée par un moteur électrique, avec un opérateur attitré capable de localiser n'importe quelle carte parmi ce 500 000 en moins d'une minute. Fervent adepte du vieil axiome selon lequel le savoir, c'est le pouvoir, Heydrich l'avait surnommé sa roue de la fortune. Plus que quiconque, c'était Heydrich qui avait contribué à la rénovation de la police politique prussienne et fait du SD, le service de renseignement des nazis, l'un des premiers employeurs d'Allemagne. En 1935, plus de 600 fonctionnaires travaillaient au seul service des archives de la Gestapo de Berlin. La bureaucratie allemande était toujours comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire on a noté presque tout, mais beaucoup de documents ont été détruits, soit volontairement par la SS dans les années 44-45, quand le front russe s'approchait, ou involontairement dans les bombardements des villes allemandes, ou les documents étaient inaccessibles pour nous dans les archives des Alliés ou à l'étranger. C'est-à-dire, en théorie, on a beaucoup de documents, mais il faut d'abord les trouver. Est-ce que, ici, donc au sein de votre office central, il y a trace de correspondance avec d'abord Simon Wiesenthal, tout seul à Vienne, et maintenant Ephraim Zuroff, on pourrait dire tout seul à Jérusalem. Est-ce que vous correspondez aussi avec Elie Rosenbaum, de l'autre côté de l'Atlantique, qui lui a pris la direction donc, de l'Office Special of Investigation, donc en créant 79. On a toujours reçu des informations, soit individuelles, soit d'organisations. On a beaucoup travaillé avec Simon Wiesenthal et des ministères de justice aux États-Unis et au Canada. C'est-à-dire qu'on a un échange, mais les tâches sont différentes. Ici, c'est une tâche purement judiciaire dans le sens du criminel, pénal. C'est pas vrai pour les États-Unis, c'est plutôt une question administrative du droit des étrangers. C'est-à-dire les questions de nationalité. Et pour nous, c'est l'échelle pour la responsabilité criminelle, culpabilité individuelle. Donc c'est pas toujours facile de comprendre le rôle ou les compétences de l'autre partie. Est-ce que vous vous considérez comme un chasseur de nazis ? Pour moi, un chasseur, c'est quelqu'un avec une arme dans la main qui tâche d'avoir à la fin la tête de l'animal, de la bête, sur le mur. C'est pas ce que je fais. Je suis pas un chasseur dans ce sens, mais un procureur. C'est-à-dire, avec les moyens de la procédure pénale, on essaie d'éclairer ce qui s'est passé et qui est responsable. Mais si cela me fait un chasseur de nazis, alors c'est vrai. Les chasseurs de nazis, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les notices bibliographiques sur notre site internet, un site internet préparé et conçu par Christine Bernard. Témoignage traduit et dit par Michel Zlotowski. Texte lu par Elisabeth Mazev et Xavier Xapla. Prise de son Olivier Dupré et Julien Douminc. Cette histoire, mixée par Alain Joubert, réalisée par Jean-Philippe Navarre et racontée par Michel Pomared, revient dès lundi avec le chapitre 2 intitulé « Du gibier en tout genre ».